السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, en ce vendredi 15 Jumad al-Oula de l'an 1436 de l'Hégire, qui correspond au vendredi 6 mars 2015, nous commençons, bi'ivnillahi ta'ala, l'explication d'un livre très important, écrit par un grand imam, qui n'est rien d'autre que le livre Usul Sunnah, les fondements de la Sunna, écrit par l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et nous allons nous baser sur l'explication de ce livre, sur l'explication d'un grand savant de notre époque, le Cheikh Al-Allama Ahmed ibn Yahya Al-Najmi, Cheikh Ahmed Al-Najmi rahimahullah ta'ala, qui est décédé il y a quelques années. Et donc, cette explication de Cheikh Al-Najmi, qu'il a donné sur le livre de l'imam Ahmed Usul al-Sunnah, a été mise par écrit par deux élèves de Cheikh al-Najmi rahimahullah, qui sont deux parmi les chouyours du sud de l'Arabie Saoudite, qui sont Cheikh Fawaz al-Madkhali hafizahullah, ou Cheikh Salim al-Khamiri hafizahullah ta'ala. Et nous allons prendre donc le livre tel qu'il a été édité depuis le début jusqu'à la fin, bi'idhnillahi ta'ala. C'est-à-dire que nous allons citer également les introductions que ces deux chouyoukh, Cheikh Fawaz al-Madkhali et Cheikh Salim al-Khamiri, là, nous allons lire les introductions qu'ils ont introduites avant de mettre l'explication de Cheikh al-Najmi sur le livre Usul al-Sunna. Donc ils disent dans leur introduction بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. Donc ils ont commencé leur introduction à ce travail en commençant par citer l'introduction de l'imam Ahmed rahimahullah, l'introduction que l'imam Ahmed rahimahullah a faite dans son livre Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah, la réplique aux Jahmites. Et dans cette introduction, l'imam Ahmed rahimahullah, il dit Alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-'ilm. Louange à Allah qui a fait dans chaque époque dans laquelle il y avait une interruption des messagers, il a mis un reste parmi les gens de science. Yad'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Ils appellent à la guider ceux qui sont égarés et ils endurent de leur part les préjudices. Yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mawta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-'ama. Ils redonnent vie par le livre d'Allah. Par le livre d'Allah, ils redonnent vie aux morts, c'est-à-dire à ceux dont les cœurs sont morts. Et non pas les morts réels. Mais ce qui est voulu ici par les morts, ce sont ceux donc, qui ont le cœur mort. C'est-à-dire qui sont égarés. Donc, ces gens de science, par le livre d'Allah, ils redonnent vie à ceux dont les cœurs sont morts. Et ils éclaircissent par la lumière d'Allah les gens aveuglés. فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ. Donc combien de personnes qu'Iblis avait emmené dans l'égarement, combien de personnes comme cela ils lui ont redonné vie, et combien d'égarés et de gens perdus ils ont été la cause de leur guider. Donc quelles sont leurs bonnes traces et leur bon impact sur les gens, et quel est le mauvais impact et les mauvaises traces des gens sur eux. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. Ils préservent le livre d'Allah des modifications de ceux qui exagèrent et de l'usurpation des faussaires et de l'interprétation des ignorants. الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. Ceux qui ont élevé l'étendard de l'innovation et qui ont donné libre cours aux troubles et aux tentations. فهم مختلفون في الكتاب. Et ces gens, ils parlent donc des égarés, ils divergent en ce qui concerne le livre d'Allah, en ce qui concerne le Coran. Et dans une version qui n'est pas citée ici, Imam Ahmed il dit فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَى مُخَالِفَةِ الْكِتَابِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ. C'est-à-dire, il dit l'imam Ahmed rahimahullah dans une autre version de cette introduction, il dit, ils divergent concernant le livre d'Allah, et ils contredisent le livre d'Allah, et ils sont d'accord dans la contradiction au livre d'Allah. يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ils disent au nom d'Allah, et ils disent sur Allah et sur le livre d'Allah, ils parlent sans science. Yani, ils parlent au nom d'Allah, ils parlent sur Allah et sur le livre d'Allah sans science. ويتكلمون بالمتشابه من الكلام. Et ils parlent avec des ambiguïtés. Ils parlent avec des paroles ambiguës. وَيَخْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ. Et ils trompent les gens ignorants avec leurs ambiguïtés. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُضِلِّينَ. Nous demandons à Allah, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre eux, les troubles et les tentations des égarés. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré à part Allah seul et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le bon conseiller et le digne de confiance. Que la paix soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons bons et purs. Amma ba'd. Fa inna awjaba ma 'ala al-mar'i ma'rifatu i'tiqadi ad-dini wa ma kallafa Allah bihi 'ibadahu min fahmi tawhidihi wa sifatihi wa tasdiqi rusulihi bid-dala'ili wal-yaqin wat-tawassuli ila turuqiha والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. Donc, ils disent, Afwan, certes, la plus grande obligation sur l'individu est de connaître la croyance de sa religion et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, notamment la compréhension de son unicité, la compréhension du monothéisme et la connaissance de ses noms et attributs, ainsi que le fait de reconnaître et d'accepter le message de ses messagers avec les preuves et avec preuve et certitude. Et de rechercher les arguments et les preuves là-dessus. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. Et certes, parmi les plus grandes paroles et les plus grandes preuves, le livre d'Allah, puis la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la parole de ses compagnons, les nobles pieux, puis ceux sur quoi ont été unanimes les pieux prédécesseurs, et le fait de s'accrocher à tout cela et de rester ferme dessus jusqu'au jour de la rétribution, et également de s'écarter des innovations et de s'écarter de l'écoute des innovations que les égarés ont ajoutées dans la religion, ont introduit dans la religion. ولما كان معرفة اعتقاد الدين أمرا محتما فقد اعتنى سلفنا الصالح بتدوين العقيدة وتعليمها وتحقيق مسائلها. Et du fait donc que la connaissance de la croyance de la religion était une chose obligatoire, c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs ont donné une importance dans le fait d'inscrire, dans le fait d'inscrire cette croyance dans des livres et de l'enseigner et de vérifier toutes les questions se rapportant à elle. حتى لا يتطرق إليها أهل الزيغ والفساد وأهل التأويل والإلحاد. Cela afin que les gens de l'égarement et de la corruption et les gens des fausses interprétations et de la mécréance, afin que ces gens-là ne puissent pas y introduire ce qu'ils veulent. وخاصة بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته في أرض الله وتمكن أهله من التغلب على سائر الأديان الباطلة والمنحرفة وتسرب بعض العناصر الضالة إلى دين الإسلام ليس حبا فيه وإنما من أجل التشكيك فيه وتضليل أهله ولكي يدخل في الإسلام ما ليس فيه. Et surtout après l'expansion de l'islam, et l'élargissement de son territoire dans toute la terre d'Allah. Et après que ces gens, c'est-à-dire les musulmans, aient eu la suprématie sur toutes les autres fausses religions et les religions déviantes. Et après que certaines personnes se soient introduites, après que certaines personnes égarées se soient introduites dans l'islam, dans la religion de l'islam, non pas par amour pour l'islam, mais ayant pour but de semer le doute dans l'islam et d'égarer les musulmans afin qu'ils attribuent à l'islam ce qui n'en fait pas partie. فهب علماء الأمة الربانيون والأئمة الصالحون لبيان الاعتقاد الصحيح ومقاومة العقائد والبدع الضالة التي دخلت في الإسلام. Et c'est alors que les savants de la communauté, doués de sagesse, ainsi que les grands imams pieux, ont accompli leur devoir d'exposer la croyance authentique et de combattre les croyances et les innovations qui ont été introduites dans l'islam. Imma birraddi alayha wa bayani zayfiha wa dalaliha, soit en réfutant ces innovations et ces fausses croyances, en démontrant leur fausseté et leur déviation. وإما بعرض العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية كما جاءت, soit en exposant la croyance islamique authentique, la pure, telle qu'elle est venue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. تنوعت في ذلك أساليبهم وتعددت تآليفهم. Donc, ils ont utilisé pour cela, les savants de l'islam, ils ont utilisé plusieurs moyens. Ils ont écrit plusieurs livres. Sataruha bikalamin rasin, وتدوين متين قائم على الأدلة الجلية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقول موثوقة وأقوال محققة، فحفظ الله بهم الدين وأقام بهم الحجة وقمع بجهودهم أصناف الباطل والبدعة. Donc, ces écrits, ces multiples écrits que les savants de l'islam ont écrits pour exposer la croyance authentique et réfuter les innovations ou les croyances fausses, ils les ont écrits, ces livres-là, ils les ont écrits avec des paroles lourdes et des écrits précis, basés sur les preuves claires du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en citant ou en rapportant des citations authentifiées et des paroles vérifiées. Et c'est ainsi que par eux, Allah a préservé cette religion et a établi la preuve sur les créatures. Et par leurs efforts, yani les efforts de ces savants, Allah subhanahu wa ta'ala a humilié et anéanti tous les types d'égarements et d'innovations. ومما سطر وألف في ذلك هذه الرسالة العظيمة أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله التي هي من أهم الرسائل السلفية التي عرضت أصول مسائل الاعتقاد مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة. Et parmi ces écrits qui ont été donc écrits par parmi ces ouvrages qui ont été écrits par les savants de l'islam pour exposer la croyance authentique et réfuter les innovations, il y a cette épître, cette immense épître qui est Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna, écrit par l'imam des gens de la Sunna, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et cette épître fait partie des écrits les plus importants qui ont démontré les fondements des questions de la croyance en les appuyant sur les preuves du Coran et de la Sunna. وكان أغلب السلف رحمهم الله تعالى يقيدون ما يعتقدون وخاصة أصحاب الحديث وما ذلك إلا للسد على المغرضين وبيان طريقة الصالحين ليقتدى بهم وحتى ينشروا العلم وينالوا بذلك الأجر. Et la plupart des pieux prédécesseurs notaient la croyance authentique, et surtout les gens du hadith, surtout les savants du hadith, ils faisaient cela afin de fermer la porte aux semeurs de troubles et afin d'exposer la voie des pieux prédécesseurs, afin que l'on puisse suivre leurs traces et afin qu'ils propagent la science et qu'ils obtiennent par là des récompenses, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils obtiennent par là la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, donc, les deux muhakkiqan, les deux qui ont donc mis par écrit donc cette explication, Cheikh Fawaz al-Madkhali et Cheikh Salim al-Khamiri, ils ont cité ceux qui ont rapporté ce livre ou cet épître de l'imam Ahmed, ou sur la Sunna, les fondements de la Sunna. Parmi eux, il y a l'imam al-Lalakai, rahimahullah, dans son livre « Char Usul Irtiqad Ahl Sunnati wal Jama'a » Et également parmi eux, il y a Abdus ibn Malik. Et également parmi eux, il y a Al-Khalal dans son livre Tabaqat al-Hanabila. Et d'autres. Puis ensuite, ils expliquent que Cheikh al-Najmi, rahimahullah, a donc expliqué donc cet épître ou sur le sunna pendant le séminaire du Cheikh Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah, dans le cinquième séminaire du Cheikh Abdullah al-Qar'awi. Et donc, ils expliquent que Cheikh al-Najmi, rahimahullah, a expliqué ce livre-là en détail. Et il a résolu les choses qui peuvent poser problème à certains. Et il a facilité la compréhension de ce livre ou de cet épître. Et c'est pour cela donc qu'ils ont voulu le mettre par écrit, alors qu'à la base, ceci était pris de cours audio. Ceci était pris à la base des cours audio du Cheikh al-Najmi. Puis eux, ils ont pris donc ces audios et ils les ont mis par écrit. Ils les ont retranscrits par écrit. Voilà en gros l'introduction de ces deux muhakkik, ces deux vérificateurs. Et inshallah ta'ala, pour l'instant, nous allons nous arrêter là. C'était juste une petite introduction afin que vous compreniez l'importance de cet épître. Car malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de la sunna. Et beaucoup de gens se réclament de la salafiyya. Cependant, très peu connaissent les fondements de la sunna et de la salafiyya. Et c'est pour cela que j'ai choisi de prendre l'explication de ce livre et de cet épître important que sont les fondements de la sunna ou sous la sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah, afin que l'on ne dise pas que la salafiyya c'est un nouveau groupe qui est apparu il y a quelques années. Mais la salafiyya n'est rien d'autre que l'islam originel tel qu'il était à l'origine. Car le sens de la salafiyya, c'est de retourner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de les comprendre et de les appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons les ont compris et les ont appliqués, le Coran et la sunna. Donc, ô toi qui prétends suivre la sunna, toi qui te réclames de la sunna, qui te réclames de la salafiyya, il est un devoir pour toi de connaître les fondements de la sunna et de connaître les fondements de la salafiyya afin de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et vous verrez tout au long de l'explication de ce livre que l'imam Ahmed rahimahullah n'a rien ramené de lui-même, mais que tout ce qu'il a inscrit dans cet épître est tiré des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont suivis convenablement. Et comme nous l'avons annoncé, l'explication de ce livre bi'idhnillahi ta'ala sera faite un vendredi sur deux à 21h insha'allahu ta'ala. Et également, j'annonce que je vais reprendre je vais reprendre donc la série apprendre l'islam en question-réponse. Également un vendredi sur deux à partir de vendredi prochain. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yurina al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah wa yurina al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabah ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين